caresse. Quand aimera-t-il enfin? Ne plus graver son destin avec l'aide du grand poil brun qu'il taille sans cesse dans sa main. Ses affaires en souffre très régulièrement. Quand daignera-t-il enfin cesser d'être ce vilain que regardent tous les coquins qui sont